peuvent vivre tout seul, libre comme un oiseau sur son fil, sans famille, sans femme et sans amis. Je veux vivre tout seul, rien que moi de face et de profil, sans visa, sans papier et sans pays. J'en ai marre de toujours faire le beau, de sourire quand j'ai mal dans mon cœur. J'en ai marre, je veux monter plus haut, à l'abri des chiens et des chasseurs. Je veux vivre tout seul, comme un émigrant, comme un reptile, sans visa, sans papier et sans pays. Je veux vivre tout seul, libre comme un poète en exil, sans famille, sans femme et sans amis. Certains soirs, je trouve sur ta peau quelque chose qui ressemble au bonheur. Mais hélas, tu t'endors aussitôt, le matin tu te lèves à 8 heures. Je veux vivre tout seul, libre comme un oiseau sur son fil, sans famille, sans femme et sans amis.